dragonflies appear. Dragonflies appear. Salut, vous écoutez Rage et vous êtes les bienvenus dans Exocet, l'émission qui déchire le continuum espace-temps. Ce soir dans Exocet, je vous parlerai de l'asile hanté de Ridges, où on peut toujours voir la trace indélébile d'une patiente morte il y a 30 ans. Nous irons ensuite au Japon où Touma nous parlera d'une mystérieuse forêt. Et enfin, en dernière partie d'émission, nous vous dévoilerons les histoires les plus incroyables de la semaine. C'est Exocet et vous entrez dans la face cachée du monde. Exocet. Le magazine de l'étrange et de l'insolite. Alors, dans une précédente émission d'Exocet, on vous avait parlé de l'asile de Waverly Hills, un asile hanté avec une histoire très très lourde. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas le seul asile hanté des États-Unis. Vous auriez pu vous en douter, j'imagine. Cet asile s'appelle l'asile d'Athènes, l'Athènes Asylum for the Insane, hein, donc pour les malades mentaux. Il est aussi connu sous le nom de The Ridges. Alors, cet hôpital a ouvert le 9 janvier 1874 dans l'Ohio, et l'État de l'Ohio a passé 6 années à construire cet hôpital géant, puisqu'à l'époque, donc, les asiles géants étaient assez fréquemment ouverts aux États-Unis, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de victimes de la guerre civile, des vétérans de la guerre civile qui souffraient de stress post-traumatique. Mais l'asile d'Athènes, lui, avait été conçu tout spécialement pour les fous dangereux. Alors, ce bâtiment avait été conçu au départ comme une maison, hein, pour essayer de rendre l'endroit un petit peu plus convivial, hein, pour essayer d'estomper l'impression de confinement. Et les patients les plus légers donc vivaient plutôt au centre du bâtiment, à proximité des bureaux administratifs, alors que les patients les plus dérangés et les plus malades, eux, étaient un petit peu mis à l'écart, ils étaient un peu reclus. Mais l'idée, c'était de conserver cette atmosphère de maison. Et donc, dans ces premières années, cet asile était particulièrement bien réputé pour la qualité de ses services et, encore une fois, pour cette ambiance conviviale. Alors, le temps, évidemment, a passé et les problèmes ont commencé à émerger, puisque, par exemple, les parents ont commencé à envoyer à l'asile d'Athènes leurs enfants quand ils étaient un petit peu trop excités, un petit peu trop rebelles, hein, dès qu'il y avait un adolescent qui avait un comportement d'adolescent, hein, donc voilà, un petit peu rebelle envers ses parents. Il était envoyé à l'asile et les enfants, eux, envoyaient leurs parents vieillissants dont ils ne pouvaient plus s'occuper à l'asile également. Donc ce qui s'est passé, c'est que les chambres ont commencé à être remplies. Il y avait trop de monde dans cet asile et du coup la qualité des services a progressivement décliné, puisque les infirmières, les médecins ne pouvaient pas s'occuper de tout le monde dans de bonnes conditions. Et donc à partir de là, des traitements brutaux ont commencé à être mis en place, des traitements qui ont provoqué la mort de nombreux patients. Alors par exemple, dans cet asile d'Athènes, on pouvait subir le traitement de l'eau, hein, le water treatment. Donc les patients étaient littéralement submergés dans de l'eau glacée, de l'eau gelée, durant de longues périodes de temps. Et donc l'idée, hein, c'était de provoquer un choc physique, hein, puisqu'à l'époque on pensait que ça pouvait guérir les maladies mentales. Alors ensuite, évidemment, il y avait les électrochocs qui étaient administrés dans des patients qui, là encore, étaient submergés dans de l'eau. Donc évidemment, l'eau étant conductrice, c'était plus facile pour les électrocuter. Mais il y avait aussi la technique qui consistait à donc mettre des électrodes sur la tête des patients et un morceau de caoutchouc dans la bouche, hein, pour qu'ils puissent le mordre. Et donc, si vous avez vu le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, vous avez une idée précise de ce à quoi pouvait ressembler l'électrochoc à l'époque, hein. Alors ensuite, il y avait la lobotomie. Une lobotomie particulièrement impressionnante et dangereuse, puisque donc les patients avaient le crâne ouvert, et là les chirurgiens donc leur ôtaient un morceau de cerveau. Alors ça avait pour conséquence, évidemment, de les calmer, ça c'est clair, mais alors que la plupart des psychoses avaient tendance à disparaître, les patients devenaient plus ou moins des légumes. Donc ils oubliaient pas seulement leur maladie, mais ils oubliaient tout le reste. Hein. Ils oubliaient comment ne pas faire sur soi ou sous soi quand on est en train de manger, etc. Donc ça devenait des légumes, et puis bien évidemment, la plupart mouraient de ce traitement très très très très violent. Et il y avait, pour terminer, la lobotomie transorbitale, qui est sûrement la pire des quatre méthodes, une lobotomie qui avait été développée par le docteur Walter Freeman dans les années 50. Alors c'était une lobotomie plus simple que celle dont on vient de parler, et à l'époque c'était devenu quasiment une tendance dans les milieux psychiatriques, hein, durant les années 60 on a beaucoup pratiqué cette lobotomie transorbitale. Alors le docteur Freeman avait mis au point cette méthode qui consistait à rendre le patient inconscient avec des chocs électriques. Une fois qu'il était inconscient, donc on tirait une paupière et on insérait un pic de métal très fin à l'intérieur d'un canal lacrymal, et là, avec un petit maillet, on enfonçait le pic jusque dans le cerveau, et là l'idée c'était de triturer à l'intérieur du cerveau pour donc couper les récepteurs nerveux. Alors parfois c'était fait dans les deux yeux à la fois. On dit qu'à l'époque, il y avait des preuves de l'efficacité de cette méthode, hein, sur les patients atteints de conditions très très très graves, mais évidemment, il y avait des effets secondaires absolument horribles. Là encore, les gens, la plupart du temps, devenaient des légumes, et surtout, la plupart mouraient une fois encore. Donc on a du mal à imaginer aujourd'hui que des traitements aussi atroces pouvaient être exécutés, mais à l'époque, donc, c'était monnaie courante, surtout dans les années 60. Alors en 1993... des problèmes de budget forcent l'asile d'Athènes à fermer, et les derniers patients de l'asile sont littéralement libérés dans les rues. Donc ça a dû être une époque assez tendue, hein, j'imagine, puisque donc il y avait comme ça des malades mentaux qui étaient libérés, hein, vu qu'on avait plus, on avait plus la possibilité de les garder. Et donc à cette époque-là, l'asile avait changé 9 fois de nom, et le dernier nom connu, c'est The Ridges. Et cet hôpital était la propriété de l'université de l'Ohio, et vous verrez que ça a sa petite importance, on y reviendra tout à l'heure. Et aujourd'hui, de nombreux buildings et de nombreux bâtiments sont ouverts au public. Alors vous me direz, mais quel intérêt d'ouvrir au public les anciens bâtiments d'un hôpital psychiatrique? Eh bien, c'est tout simplement parce que, vous vous en doutez, il y a beaucoup d'histoires autour de ces bâtiments-là, des histoires de fantômes, naturellement, hein, puisque c'est un endroit qui a connu beaucoup de souffrance. C'était comme l'asile de Waverly Hills, hein, si vous vous rappelez de l'émission où on en avait parlé. Alors, la hantise la plus connue, hein, de The Ridges, c'est la tâche, la fameuse tâche. Alors l'histoire démarre le 1er décembre 1978, lorsque la patiente nommée Margaret Schilling disparaît. Elle est retrouvée morte le 12 janvier 1979 dans la chambre numéro 20 qui se trouve au dernier étage de la clinique. Alors après avoir enlevé son corps de la pièce, on s'aperçoit que sous son corps, il y a une trace donc qui dessine parfaitement sa silhouette et qui n'est pas effaçable. Cette trace est indélébile, alors on fait tout ce qu'on peut, mais il n'y a rien à faire. Alors dans cette trace, on peut même voir la forme de ses habits, c'est une trace assez précise. Et on pense alors que l'explication peut être donnée scientifiquement, puisque en fait la décomposition du corps en réaction avec la lumière directe du soleil, puisqu'il y avait une fenêtre, donc a pu imprimer littéralement ce corps sur le sol. Mais encore une fois, la tâche a été nettoyée à maintes et maintes reprises depuis 30 années maintenant, et elle réapparaît toujours, et elle peut être encore visible donc aujourd'hui. Alors évidemment, à partir de là, on a commencé à dire que le fantôme de Margaret Schilling errait dans les bâtiments, qui hantait littéralement l'asile d'Athènes. Il y a d'autres histoires sur d'autres fantômes, d'autres patients qui erreraient comme des âmes perdues dans les couloirs de l'asile. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les cimetières de l'asile qui sont particulièrement mystérieux. Alors, cet asile compte 5 cimetières, puisque évidemment, à une certaine époque, il y avait des morts par dizaines, donc il fallait bien les mettre quelque part. Donc l'hôpital d'Athènes a dû en ouvrir 5, et ils sont tous réputés pour être hantés. Alors déjà, il faut savoir que les tombes des patients étaient alignées. Donc c'était des lignes droites, avec simplement le numéro de chaque patient écrit dessus pour les identifier. Sauf dans une zone, d'un des cimetières, dans lequel les pierres tombales sont arrangées en cercle. Et à partir de là, une légende urbaine a commencé à émerger, selon laquelle cet endroit précis, ce cercle, aurait été le point de réunion lors de messes noires, lors de réunions de sorcières au 19e siècle. Alors, le cimetière de Hannings, qui est donc encore un des cimetières de l'asile, lui a été carrément considéré, nommé 13e endroit le plus hanté de la planète par la British Society de Recherche Psychique. Alors, il y a de nombreuses observations, de nombreux témoignages de gens qui disent avoir vu une silhouette avec une robe, une capuche qui parfois poursuit les gens avec ce qui ressemble à une faux. Alors le cimetière Sims qui est à proximité également, lui aussi est réputé hanté, puisqu'en plus de ça, dans ce cimetière là il y a un arbre qu'on appelle le Hanging Tree. Et c'était un arbre auquel on pendait de nombreux criminels durant le 19e siècle. On peut encore y voir les traces des cordes. Et dans le cimetière de Westgate, il y a beaucoup de tombes de soldats. Et on peut y voir la statue de l'ange, la Angel Statue, qui a été érigée justement pour commémorer les soldats morts à la guerre. Et on dit que cette statue parfois pleure de véritables larmes, et certains disent avoir vu ses ailes s'agiter. Donc c'est un endroit qui est vraiment riche en légendes urbaines et en mythes. Alors un détail étonnant, c'est que vu du dessus, les 5 cimetières de l'asile d'Athènes forment un pentagramme parfait. Donc le pentagramme, c'est cette étoile à 5 branches qui est très utilisée dans les cérémonies occultes. Hein, c'est un signe kabbalistique fort, un symbole kabbalistique. Alors c'est sûrement une coïncidence un petit peu effrayante quand même. Et au milieu de ce pentagramme, donc, il y a un bâtiment de l'université de l'Ohio qui a été ouvert en 1964, et il a été donc construit sur un des cimetières originaux de l'asile. Et on dit qu'il y a beaucoup d'événements inexplicables qui s'y déroulent, en particulier dans la chambre 428, donc où il y a eu beaucoup d'observations d'objets qui se déplacent tout seuls, hein, qui volent littéralement à travers la pièce, de portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules. On dit aussi avoir vu le fantôme d'un étudiant qui s'était donné la mort dans une des chambres. Et en fait, il y a eu tellement de témoignages autour de cette chambre qu'elle a été scellée. Carrément, on ne peut plus y pénétrer. Donc vous l'aurez compris, si un de ces quatre vous vous baladez dans l'Ohio, il y a un endroit absolument incontournable, hein, c'est l'asile d'Athènes. On marque une pause dans cette émission, et juste après, on se retrouvera au Japon avec une histoire de forêt mystérieuse dont Thomas nous parlera. Restez avec nous. Le magazine de l'étrange et de l'insolite. Vous êtes toujours dans Exocet et si vous nous rejoignez à l'instant, juste avant la pause, je vous parlais d'un asile, l'asile d'Athènes dans l'Ohio, un asile hanté dans lequel on peut voir encore aujourd'hui la trace indélébile d'une patiente morte il y a plus de 30 ans. Et à présent, on va faire un détour par le Japon avec une forêt mystérieuse dont va vous nous parler Thomas. Et en fait, j'ai un petit peu feinté parce que j'aurais dû dire le nom de la forêt, mais j'ai renoncé. Voilà. Donc c'est toi qui vas le faire, Thomas. C'est le problème souvent avec les noms japonais. Donc je vais le donner une fois. Après, on va l'appeler la forêt mystérieuse parce que je sens qu'on va pas s'en sortir. On va faire ça. Donc la forêt s'appelle Aokigahara Jukai, qui veut dire mer d'arbres, littéralement en japonais. Alors cette forêt, d'abord, c'est une forêt très jeune, puisqu'elle a seulement 1200 ans. En fait, elle est apparue après une des éruptions du mont Fuji, et elle est apparue donc sur un des flancs. Alors, c'est une forêt relativement petite, puisqu'elle fait uniquement 3000 hectares. Par contre, elle est particulièrement dense, d'où son nom en japonais qui veut dire mer d'arbres, parce qu'on est littéralement envoûté par cette forêt. Alors, au niveau de ses caractéristiques, elle est relativement intéressante parce que c'est vrai que la lumière du soleil ne pénètre quasiment pas sous la canopée, un petit peu à l'instar de la forêt amazonienne. Il fait quasiment nuit noire tout le temps en dessous. Alors, la canopée, faut peut-être préciser, c'est donc la surface des arbres. Des arbres, voilà, c'est un mot qu'on n'utilise pas toujours, donc c'est vrai. Vous le saurez. C'est vrai. Donc le soleil ne passe pas la cime des arbres, donc il y a déjà très peu de végétation au sol. Les êtres vivants dans cette forêt sont relativement rares. Alors, il y a évidemment quelques insectes, il y a aussi évidemment des mammifères, mais qui vivent généralement plutôt dans la forêt la nuit, au moment où ils vont s'abriter et sortent de la forêt en pleine journée parce que c'est un lieu quasiment invivable. Et puis cette forêt est tellement dense que malgré sa petite taille, il y est très facile de s'y perdre. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes se sont perdues dans cette forêt. Et donc évidemment, suite à cette disparition plus ou moins mystérieuse, de nombreuses légendes sont apparues autour de la forêt. Alors, pour les choses les plus étonnantes, on raconte que les boussoles ne fonctionnent pas dans cette forêt. Soit elles indiquent le sud à la place du nord, ou elles indiquent une direction à 90 degrés complètement opposée. Que le sol a l'air parfaitement plat, alors qu'en fait il regorge de crevasses et de trous. Alors ça, par contre, pour le coup, ça a été vraiment vérifié. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de dépôts de feuilles d'arbres sur le sol qu'on a l'impression que la surface est complètement lisse, alors qu'en fait on peut poser un pied dans une crevasse et tomber dans des abysses de dizaines de mètres, et donc disparaître à jamais. Alors évidemment, il y a eu comme ça beaucoup beaucoup de disparitions au cours des siècles, et de gens qui ont voulu s'y aventurer. Tant et si bien d'ailleurs qu'il y a un avertissement, enfin il y a des avertissements placés à l'entrée de la forêt, placés par les autorités japonaises, demandant aux gens de ne pas s'y aventurer parce que c'est réellement dangereux. Pour les choses encore plus mystérieuses, certains prétendent que même les GPS ne fonctionneraient pas parce que justement les arbres seraient tellement denses qu'ils bloqueraient tout signal. Et puis il y a aussi toutes les histoires de fantômes et autres esprits qui guideraient le voyageur et en fait feraient en sorte qu'il tourne en rond jusqu'à mourir. Et donc jamais il ne sortirait de la forêt, à chaque fois il reviendrait au point de départ en tournant en rond. Alors... Voilà, parce qu'on sait que dans la mythologie japonaise, la forêt est très importante, beaucoup de légendes autour de la forêt, autour des esprits qui habitent la forêt, et on peut notamment voir ça, ce trait culturel, dans les films de Miyazaki, les dessins animés de Miyazaki, je pense en particulier à Princesse Mononoke, dans lequel on peut voir les esprits de la forêt, les sylvains, qui sont comme des petits fantômes blancs sur les branches, donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Alors, pour les quelques personnes qui sont aventurées dans la forêt, elles ont rapporté des témoignages absolument horribles. Sont tombées sur des cadavres en décomposition, des squelettes, parce que les gens disparaissant dedans, on ne les retrouve quasiment jamais, sauf quelques rares fois quand des voyageurs passent devant, tombent sur ces cadavres et sur ces squelettes. Donc évidemment, tous ces bruits ont commencé à faire ressortir une aura autour de cette forêt assez particulière, évidemment. D'où de nombreuses histoires de fantômes qui ont inspiré de nombreux romans, de nombreux écrivains et aussi de nombreux réalisateurs de films. Mais on sait par contre que les morts qu'il y a dans cette forêt sont une réalité, tant et si bien qu'il y a eu un véritable phénomène de mode autour de cette forêt, et un célèbre écrivain sur le suicide japonais s'est inspiré de cette forêt, et donc c'est un écrivain qui donnait des astuces, hein, sur comment se suicider, ou comment disparaître de façon mystérieuse. Donc ça, c'est vrai que nous, ça nous paraît très étonnant, mais les Japonais ont cette culture assez étrange, hein, ce rapport assez étrange avec la mort, avec les suicides, et donc... Ce livre a été un véritable succès au Japon. Est-ce que c'est Mishima, l'auteur ? Oui. Ce livre a été un véritable succès au Japon et a inspiré de nombreuses personnes qui sont donc allées dans cette forêt, donc soit pour aller voir ces phénomènes mystérieux ou essayer de tâter un goût d'aventure, soit pour directement se suicider, puisque c'est devenu un espèce de lieu de pèlerinage pour les adeptes du suicide. D'accord. Alors, les chiffres sont absolument colossaux, enfin c'est hallucinant. En moyenne, par an, on trouve de 30 à 50 cadavres dans la forêt. On trouve, parce que ça, c'est ceux qu'on découvre. Ouais. On peut imaginer qu'il y a encore des dizaines de cadavres derrière qui sont certainement là, ouais. et qu'on n'a jamais vu, parce qu'ils sont tombés dans des crevasses, ils sont rentrés dans des grottes et sont jamais ressortis. Ils ont été aussi mangés par des animaux, puisqu'évidemment, la forêt étant tellement dense, elle est hantée par des animaux qui n'existent que là, qui font des tailles colossales, qui sont des mangeurs d'hommes. Ouais. Ça, c'est évident. Donc, c'est une forêt complète, hein, je dirais, au point de vue bestiaire ou fantomatique, il y a vraiment de tout. Donc on en trouve de 30 à 50 cadavres par année, ce qui est quand même énorme. Et puis il y a carrément des pointes, hein. En 98 par exemple, on a découvert 73 cadavres, en 99, 68, en 2000, 59, en 2001, toujours une soixantaine, en 2002, 78, et en 2003, 105, parce que plus les années passent, plus on découvre de cadavres dans cette forêt. Alors pas parce qu'il y a de plus en plus de gens qui y vont, mais tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui vont pour se suicider dans cette forêt. Ça devient un véritable lieu de mode. Et plus les années passent, plus on trouve de cadavres et de gens qui se pendent aux arbres, qui s'ouvrent les veines dans la forêt. Enfin, c'est vraiment horrible. Il faut dire que le Japon, c'est quand même un pays qui a un rapport très particulier avec le suicide. On sait qu'il y a des vagues de suicides collectifs au Japon. Des gens qui prennent rendez-vous, qui ne se connaissent pas. On a vu ça émerger notamment avec Internet, hein, des gens donc, qui prennent rendez-vous sur Internet dans un lieu connu d'eux seuls, et ils se suicident collectivement. Donc c'est vraiment un trait culturel, on pourrait dire, chez les Japonais, d'autant qu'on sait que le taux de suicide est très élevé, de par la pression sociale. Et donc là, c'est un peu la collision entre ce trait culturel très particulier et donc cet attachement des Japonais à leur mythologie et donc à leur forêt. Donc voilà, les deux éléments se rejoignent. Alors, il y a tellement de suicides dans cette forêt, tellement de gens qui s'égarent, que donc les autorités ont mis en place une signalétique dans la forêt. Notamment, on trouve régulièrement accrochés, cloués aux arbres, des panneaux qui indiquent par exemple « S'il vous plaît, contactez la police avant de décider de mourir. S'il vous plaît, reconsidérez votre geste. » Bref, il y a des messages d'avertissement qui sont comme une espèce de dernière tentative de convaincre les gens de ne pas passer à l'acte, qui sont incroyable. Placardés comme ça sur les murs. Et donc c'est vraiment une forêt très très mystérieuse. Et le taux de suicide était tellement important dans cette forêt qu'évidemment ça a inspiré de nombreux réalisateurs, y compris un réalisateur qui donc a fait un film autour de cette forêt, donc un film qui n'est jamais sorti en France, hein, une pure œuvre japono-japonaise, ouais. Et qui est resté en DVD sur le territoire. Ce réalisateur raconte qu'en tournant dans cette forêt, il a découvert un portefeuille contenant pas loin de 3000 euros. Et en fait, apparemment, c'est quelque chose de relativement courant dans cette forêt, puisque les gens qui s'égarent ou les gens qui se suicident, apparemment, laisseraient leurs biens sur place. Et donc, il serait très fréquent de trouver des cartes de crédit, des passeports, de l'argent, des portefeuilles. On a trouvé des tas de choses insolites, des billets d'avion aussi. Alors ça, par exemple, c'est un truc qu'on n'a jamais su expliquer. On a trouvé des billets d'avion pour partir pour les États-Unis au milieu de cette forêt. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un avait des billets d'avion ? Voilà, il y a des tas d'objets comme ça insolites qui ressortent. Et c'est vrai que cette forêt fait tellement peur maintenant que même le camp militaire qui est juste à l'orée de cette forêt, il y a un bruit qui circule à l'intérieur, c'est que pendant l'entraînement, il ne faut absolument pas regarder la forêt, il faut lui tourner le dos, parce que sinon on est comme littéralement absorbé par l'aura de la forêt et on ne peut pas résister à l'envie d'y pénétrer et évidemment de ne jamais en ressortir. Les pièges à l'intérieur étant tellement énormes et tellement piégeurs justement, qu'on a très très peu de chances de s'en sortir. Et c'est vrai que pour le coup, Le seul moyen réellement sûr de sortir de cette forêt, c'est de suivre un sentier balisé, unique, avec un guide, parce que le moindre écart sur le côté, c'est un petit peu comme marcher sur un champ de mine. On risque de tomber à n'importe quel moment dans un trou ou être piégé et jamais trouver la sortie de cette fameuse forêt. Et puis en plus de ça, donc, on imagine la réputation de forêt hantée dont elle souffre, puisque les Japonais, là aussi, sont très sensibles aux histoires de spectres d'esprit, et donc avec tous ces suicides, ils doivent sûrement se dire que la forêt est littéralement truffée de spectres. Donc ça doit être un rapport très particulier. Voilà, la forêt, évidemment, est truffée de fantômes, truffée de spectres, truffée d'animaux mangeurs d'hommes de toute taille. Hein, ouais, donc d'animaux mythiques. D'animaux mythiques. Comme on peut retrouver justement dans les dessins animés de Miyazaki, des animaux divins, gigantesques. Voilà. Gigantesques ou tout petits aussi, d'ailleurs. Ils ont tous quand même pour trait commun d'être des mangeurs d'hommes, hein, puisque c'est pour ça qu'on ne ressort jamais de cette fameuse forêt, parce que soit on est enlevé par des fantômes, soit on meurt sur place, soit on se suicide, soit c'est les animaux qui nous dévorent. Donc voilà, un univers absolument charmant, qui donne envie d'aller se balader dans cette contrée. Et par contre, pour ce qui est du mystère, c'est vrai qu'on ne sait toujours pas ce qui attire de plus en plus de candidats au suicide, si ce n'est certainement un phénomène de mode. Hein, L'aura qu'elle a aujourd'hui. Et l'aura qui entoure cette forêt, et le côté suicide un peu classe que procure cette oui, forêt. C'est devenu une tendance, encore une fois. C'est devenu une tendance, mais c'est pour nous très difficile de le comprendre, parce que culturellement, c'est curieux. Voilà, encore une fois, c'est une vraie particularité culturelle, hein, ce rapport du Japon au suicide, et donc voilà, c'est quasiment accomplir une sorte de geste à la mode que d'aller mettre fin à ses jours dans cette forêt. Donc vous l'aurez compris, cette émission était une sorte de conseil touristique, puisque dans la première partie, je vous conseillais d'aller visiter cet asile hanté de l'Ohio, et là Thomas vous recommande la forêt des suicides. Je vous recommande d'aller d'abord à l'asile, alors, si vous voulez le voir, parce que si vous êtes dans la forêt, c'est pas sûr que vous puissiez le visiter. Peut-être que vous en ressortirez pas, voilà. On va marquer une pause musicale et juste après, les infos les plus incroyables de la semaine, restez avec nous. We stand the dark and Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Vous les attendiez, les infos insolites, ce qui s'est passé de plus incroyable dans le monde cette semaine, c'est maintenant dans Exocet. Et on démarre avec un chauffeur de bus obèse, qui pèse donc 128 kilos et qui a reçu une peine de 5 années d'emprisonnement, ça s'est passé en Allemagne. Parce que cet homme, s'est assis sur sa femme. Et quand on pèse 128 kilos, on peut prendre de la prison pour ça. Parce que bon, vous l'aurez compris, elle n'a pas survécu. Cette femme était âgée de 46 ans et elle a donc eu 18 côtes cassées. Alors, le mari dit qu'il s'est assis sur elle après qu'une dispute ait éclaté, mais qu'il n'avait absolument pas pensé que ça la tuerait. Alors apparemment, d'après les experts, il serait resté assis au moins 2 bonnes minutes sur sa femme, et donc ça a suffi à la tuer. Alors apparemment, elle a passé 2 semaines de souffrance, parce qu'elle n'est pas morte tout de suite. En plus, on n'a pas diagnostiqué tout de suite que toutes ses côtes étaient brisées. Au début, les docteurs croyaient qu'elle n'en avait que quelques-unes, mais elle souffrait terriblement. Donc voilà, pendant 2 semaines d'agonie qui ont conduit à son décès. Donc, et son mari, comme je vous le disais, a écopé de 5 années de prison avec Jennifer Lopez. C'est un des seuls humains, sans doute, qui a fait de son cul une arme mortelle. C'est très joli. Hier soir, jeudi, en Roumanie, se sont déroulées des fiançailles. Des fiançailles jusque-là, vous me direz, quoi de plus normal, et vive les fiancés. Sauf que là, la particularité, c'est que c'est des fiançailles avec une fillette de 6 ans. Une fillette de 6 ans qui s'est fiancée avec un jeune homme de 13 ans. Alors vous vous demandez comment c'est possible? Eh bien, en Roumanie, il y a une forte tradition qui fait que les petites filles, très très tôt, doivent se fiancer. Avec soit des adultes, mais là au niveau de la loi ça passe plus très bien, soit avec des enfants, chose qui se fait. Et c'est vrai que les autorités ont beaucoup de mal à enrayer ce phénomène, parce que ce n'est pas si... Alors là c'est la plus jeune de l'histoire de la Roumanie, mais des mariages de fillettes de 9, 10, 11 ou 12 ans sont légion et arrivent fréquemment. Alors les autorités essayent un petit peu de contrôler les choses, là par exemple en l'occurrence pour ce mariage là. Elles ont demandé à ce que les deux enfants ne vivent pas ensemble jusqu'à ce que la fillette ait 15 ans, qu'ils ne dorment jamais ensemble, bref, qu'il n'y ait aucune relation sexuelle entre les deux. On comprend évidemment bien pourquoi, mais il n'en reste pas moins que, voilà, on a eu un défilé avec cette petite fille en robe de mariée de 6 ans. C'est d'autant plus surprenant que le garçon avec qui elle s'est mariée, Thomas, si tu me le permets, n'a pas 13 ans, mais 17 ans. 17 ans, oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que l'année prochaine, ça sera un couple de 18 et 7 ans. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut appeler de la pédophilie. C'est un petit peu ça, oui. N'ayons pas peur des mots. Donc oui, c'est une tradition assez particulière. Un homme a vécu pendant 10 années avec un cadavre sur son sofa. Cet homme s'appelle Alan Derek, c'est un habitant de Bristol âgé d'une 60aine d'années. Et il avait proposé à un ami de dormir sur son canapé il y a 10 ans de ça, mais après une soirée très alcoolisée, l'homme avait succombé et Alan n'avait prévenu personne de peur que les propriétaires l'expulsent pour avoir sous-loué l'appartement. Parce que l'homme en question était donc un SDF avec qui Alan avait sympathisé dans un pub et il lui avait proposé de venir dormir chez lui la nuit, dans son sofa. Et après sa mort, Alan était tellement effrayé qu'il décida de l'oublier, tout simplement. C'est comme une espèce de refoulement, si on traite l'histoire sous l'angle psychanalytique, hein, on pourrait dire qu'il a refoulé ce cadavre. Alors la police a dit que l'appartement était dans un état déplorable. C'était très sale, très bordélique, et Alan était visiblement un homme très perturbé, puisqu'il aurait vécu, selon ses voisins, sans électricité pendant quasiment 20 ans. Donc vous l'aurez compris, Alan Derek, c'est un homme chez qui il fait bon vivre. Et en Angleterre, un projet de loi, en tout cas une idée de projet de loi porté par certains politiciens du pays, fait littéralement scandale en ce moment. Il s'agirait ni plus ni moins de stériliser à court terme les jeunes filles entre 10 et 17 ans pour éviter tout simplement qu'elles tombent donc enceintes et aient des enfants. Alors pourquoi ce projet de loi est apparu sur le devant de la scène? Eh bien c'est vrai qu'en Angleterre, c'est le pays en Europe et probablement un des pays du monde occidental où les femmes sont enceintes le plus tôt, et on croise effectivement beaucoup, beaucoup de jeunes mères de 15-16 ans en Angleterre. Et donc, pour enrayer ce phénomène qui, pour les gens qui ont ce projet de loi en tête, fait de l'Angleterre la honte de l'Europe, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, puisque pour eux c'est absolument intolérable d'avoir ce taux de fécondité parmi les adolescentes aussi important, eh bien ils décident tout simplement d'imposer à la population de façon globale une stérilisation à court terme. Alors on ne sait pas encore sur par quel moyen ils voudraient procéder, certainement avec des stérilés, ce genre de choses. Il n'en reste pas moins que l'idée quand même un petit peu de fascisme avancé qui fait froid dans le dos. Effectivement, on continue avec une femme tchèque qui a trouvé dans son pain une souris cuite. Donc elle a 35 ans, cette femme, elle s'appelle Anna Korinkova, et elle a expliqué que la souris était tombée, hein, raide, du pain, elle était en train de le couper, puis donc la souris était à l'intérieur, au milieu. Alors les services d'hygiène sont allés évidemment dans la boulangerie où elle avait acheté le pain. Ça se trouve à Brest, donc en Tchécoslovaquie, hein, puisque donc il n'y a pas qu'en France qu'il y a un Brest. Et donc la boulangerie s'expose évidemment à une très grosse amende. Alors l'inspecteur Martina Smitova a dit que quand ils sont allés dans l'arrière-boutique de la boulangerie, ils se sont aperçus qu'aucune des règles d'hygiène n'était respectée, qu'il n'y avait rien pour empêcher les souris de naviguer dans la pâte, dans les différents ingrédients. Donc voilà, cette boulangerie avait peut-être une définition très particulière de ce qu'on appelle le pain de viande. Hein. Voilà, ça devait être ça. Au Texas, un chauffeur de bus abandonne littéralement son bus en pleine course. Voilà, donc il était à mi-parcours vers sa destination. Il se gare sur le côté, il descend du bus, il ferme les portes, laissant 40 passagers à l'intérieur. Et autre particularité de ces 40 passagers, et c'est là quand même que la chose devient absolument hallucinante, c'est que ces 40 passagers, c'était quand même des prisonniers en transfert vers une prison. Alors pourquoi est-ce que ce chauffeur de bus a décidé d'abandonner 40 prisonniers, en gros de les libérer, parce que vous imaginez bien que les prisonniers, une fois que le chauffeur était parti, ont quand même tout fait pour essayer de sortir du bus et évidemment s'évader. Alors pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision étonnante? Eh bien l'explication est simple, il avait fini son service, il était 17h et il en avait ras-le-bol de faire des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées. Donc à 17h pile, il s'est garé sur le côté, il a fermé son bus et il a abandonné comme ça 40 prisonniers hautement dangereux, hein, puisque c'est quand même des condamnés à mort et puis d'autres récidivistes relativement qu'il faut pas en tout cas lâcher dans la nature. Et donc lui, voilà, fin de service, 17h01, on arrête tout et on laisse les prisonniers dans la nature. Mais est-ce qu'on sait où ils sont à présent, les prisonniers là ? Alors heureusement, ils n'ont pas réussi à sortir du bus. La police est passée à côté, comme évidemment les bus de transport de prisonniers sont complètement différents comme des bus de transport scolaire ou ce genre de choses. Les patrouilles ont repéré vite le bus, elles se sont arrêtées pour voir ce qui se passait, pensant d'abord qu'évidemment les prisonniers avaient réussi à prendre d'assaut le bus, à se libérer, etc. Ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé les 40 prisonniers en train d'essayer de défoncer la porte, plus de chauffeur à l'intérieur, et les prisonniers leur ont expliqué tout simplement que le chauffeur était parti. Et puis quand ils ont contacté le chauffeur, il leur a donné l'explication. Ah oui, ça fait peur hein, quand même. On marque une première pause dans cette session d'infos insolites, on se retrouve juste après pour la suite et la fin d'Exocet. I am colorblind, coffee black and egg white. Pull me out from inside. I am ready. I am ready, I am ready, I am taffy stuck, tongue-tied. Stutter shook and uptight. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am covered in skin. No one gets to come in. Pull me out from inside. I am folded and unfolded and unfolding. I am color blind. Coffee black and egg. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Suite et fin d'Exocet, on continue avec les infos les plus incroyables de la semaine. On continue avec une jeune femme de 18 ans qui a été arrêtée après avoir accidentellement déposé à sa banque ce qu'elle pensait être à la base de l'argent, hein, de l'argent liquide ou un chèque, mais qui était en fait donc un paquet de méthédrine, c'est donc de la drogue. Donc elle s'est juste trompée tout simplement, donc vous savez comment ça se passe, hein, vous avez le dépôt de la banque dans lequel vous mettez l'argent, bah elle a mis carrément ce sac de drogue, donc à mon avis elle avait dû en prendre juste avant de passer à la banque, parce que quand même pour confondre il faut le faire exprès. Alors la police a été contactée par un employé de la banque qui s'appelle la Credit Union Bank qui a ouvert l'enveloppe et qui a trouvé la drogue. Alors quand la police a contacté la jeune femme, elle a dit qu'elle avait qu'elle s'était trompée, qu'elle avait fait une erreur. Donc elle a été honnête, elle a pas dit ah c'est pas à moi, non, elle a dit bah je me suis trompée, j'ai dû mettre la drogue dans le dépôt au lieu de l'argent. Alors elle a été arrêtée tout simplement pour possession de méthamphétamine. Et en ce jour de Saint-Valentin, les mariages ont été légion. Tout à l'heure, on parlait de cette fillette rome de 6 ans mariée à un jeune homme de 17 ans. Eh bien, hier, aux États-Unis, dans l'état de Virginie occidentale, un mariage plutôt atypique s'est déroulé. Il s'agit en fait du mariage d'une femme avec un prisonnier. Alors, jusque-là, rien de trop anormal, ça arrive assez souvent. Sauf que la sentence et le mariage se sont enchaînés et les deux ont été prononcés par le même juge. En gros, la décision des deux mariés, ça a été de se marier avant que la personne aille en prison. Ils ont donc demandé au juge, sachant que le jeune homme allait se faire condamner, s'il pouvait ensuite prononcer un mariage. Et donc le juge a appliqué sa sentence et ensuite, tout naturellement, eh bien, il a marié les deux et a célébré tous ses vœux de bonheur. Voilà, donc le jeune homme est parti avec une réclusion de 20 ans à perpétuité et en même temps les vœux de bonheur du juge qu'il avait condamné. Ah, ça devait être assez surréaliste hein, comme atmosphère dans le tribunal. On continue avec un Italien qui lui aussi va avoir des problèmes avec la justice. Il avait disparu avec 50 000 euros. Donc c'était l'argent de sa famille, hein, tout simplement. Il était parti avec l'argent et sa maîtresse. Et il avait disparu. Et il a été retrouvé. Donc il a été retrouvé, vous allez voir pourquoi. Donc cet homme s'appelle Martino Garibaldi. Il a 45 ans, il tenait une boutique. Et donc il a retiré tout l'argent de sa famille de la banque quand il est parti de sa ville de Monte Calvo. Et malgré avoir embauché des tas de détectives, sa femme n'avait absolument pas pu retrouver sa piste jusqu'à ce qu'un ami de la famille tombe sur un film qui s'appelle Natale in Crociera, ce qui veut dire donc Noël en croisière. Et donc il a vu l'homme, Garibaldi, et sa maîtresse en arrière-plan du film. Donc en figuration quoi. Alors le film a été tourné en République dominicaine et donc la femme de Garibaldi a pu le retrouver à cause de ça et elle a lancé l'action légale contre lui en lui demandant de rendre l'argent. Donc voilà un monsieur qui va soigneusement, je pense, éviter les caméras à l'avenir. C'est quand même pas de chance hein, parce que déjà il fallait être dans le film, ensuite il fallait que quelqu'un regarde ce film parce que c'est quand même pas une référence internationale. Quelqu'un qui soit lié à cette affaire. Et que ce quelqu'un, voilà, que ce quelqu'un soit une amie de la famille, un ami de la famille qui le reconnaisse à l'arrière-plan, c'est vraiment pas de bol du tout. Ouais. À Stockholm, une garderie vient d'interdire le port des vêtements à rayures et à pois et c'est une règle absolument incontournable maintenant. Si les enfants arrivent le matin habillés avec des chemises à rayures ou à pois, ils se font automatiquement soit renvoyer chez eux, soit ont l'obligation de changer sur place de vêtements. D'ailleurs, ils ont prévu tout un stock de vêtements de rechange pour permettre aux enfants de rentrer quand même dans l'établissement, mais seulement avec des couleurs unies. Alors pourquoi cette idée farfelue ? Eh bien, tout simplement parce que un des employés, dont on n'a pas le nom d'ailleurs, parce que je pense que les parents d'élèves doivent être un petit peu tendus en ce moment, un des employés ne supporte pas les pois et les rayures, ne les supporte pas physiquement, ça lui donne des migraines absolument épouvantables, si bien que le directeur s'est pris de pitié pour cette personne et a dit « Bah écoute, plutôt que de te mettre en arrêt maladie, on va interdire à l'ensemble des gens qui sont dans cette école de porter des rayures et des vêtements à pois ». Du coup, que ce soit le personnel ou les enfants, voire même les cantinières, plus personne ne porte de vêtements à rayures ou à pois. Incroyable. Il faut le dire quand même. Bah, moi, je trouve ça hallucinant, effectivement. Oui. On continue avec une histoire qui s'est passée en Pennsylvanie, à Rochester pour être précis, avec une femme enceinte de 7 mois qui est accusée d'avoir brisé une bouteille de bière sur la tête de la serveuse, tout simplement, après que cette dernière ait refusé de lui servir à boire. Donc la police a dit que la jeune femme, Kishara Abercrombie, âgée de 30 ans, n'a pas supporté que la serveuse lui dise qu'elle ne devrait pas boire d'alcool dans son état. Donc elle n'a pas hésité, cette femme, donc à briser cette bouteille de bière, et la serveuse s'est retrouvée avec une oreille partiellement détachée. Donc elle a été opérée, elle a quand même eu 28 points à l'oreille, et Abercrombie donc a été mise en prison pour agression, c'est ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Et on finit avec l'administration israélienne qui a eu une sacrée surprise lorsque Mariam Hamash s'est rendue dans ses bureaux pour renouveler sa carte d'identité. Son ancien papier d'identité indiquait 1888 comme année de naissance. Si les informations données par Mariam Hamash s'avèrent véridiques, elle deviendrait officiellement la doyenne de l'humanité. L'administration du pays a ouvert une enquête qui pourrait faire perdre sa couronne à l'actuelle doyenne de 114 ans, Edna Parker. Et le ministère de l'Intérieur a déjà confirmé l'année de naissance de Mariam Hamash grâce à ses registres, mais une confirmation définitive reste nécessaire. La famille de la vieille dame affirme être la mère de 10 garçons et donc elle a également une fille âgée de près de 90 ans. Et Mariam Hamash a également 120 petits-enfants et 250 arrière-petits-enfants ainsi que 20 arrière-arrière-petits-enfants. Mais si on découvre que c'est effectivement la doyenne de l'humanité, elle n'aura pas battu notre Jeanne Calment nationale, qui a donc culminé à 122 si je ne m'abuse. Donc voilà, on peut garder la tête haute. C'était Exocet. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie, juste après sur Rage. La récréation suivie de Rage part en live. Cette émission sera rediffusée dimanche à 22h. On vous dit à la semaine prochaine. Bisous, restez sur Rage. Ciao à tous. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.